peut chanter les copains. Oh, c'est à moi. On laisse chanter Alain. Écoute la voix qu'il a. C'est un petit truc fameux. Ça vous met le gosier en feu. Allez, me dites-le, goûte-moi donc ça. Et tu verras, c'est comme ça que l'on voit le vrai Google Eye. C'est le vrai Google Eye. Mis à danser une série de pas compliqués et toujours snob, elle me dit tu vois, et c'est comme cela quoi que l'on danse le vrai Google Eye. C'est le vrai Google Eye, Google Eye, Google Eye. C'est le pur Google Eye, Google Eye, Google Eye. Le vrai Google Eye. À moi maintenant. Non, maintenant c'est Coru. Si. Oh, il est pas petit celui-là, il y en a que pour lui. Allez, vas-y, allez, vas-y, allez. Chauffe. Mais je chauffe. À Bob. Google Eye, reprenez ses amis. Google Eye, c'est vraiment exquis. C'est certain, on n'a jamais fait si bien. C'est drôlement battu, surtout lorsque c'est le vrai. Répondis-je d'un ton royal, comme tu le vois, c'est le vrai, le vrai.